18 janvier. Ce matin, nous sommes allés, D, K et moi-même, visiter les deux îles de la rivière de l'Est, Blackwell's and Ward's, où se trouvent les maisons de fous et les pénitenciers. Nous devions rencontrer le détective qui nous accompagnait l'autre jour, M. Clark, à la porte des Tombs. C'est la prison municipale de la ville, qui contient aussi une cour de police et un tribunal pour les sessions exceptionnelles. L'argot new-yorkais l'a baptisé de ce surnom funèbre et symbolique à cause des larges et lourds piliers égyptiens qui lui font péristyle. Mais le métier de détective ne comporte pas l'exactitude au rendez-vous, et M. Clark est de service. Il nous fait dire par un de ses policemen qu'il nous rejoindra plus tard, s'il a fini à temps. Cela signifie que le brave limier est en chasse, qui sait, peut-être à deux pas de nous, dans une de ses rues. Peut-être le criminel qu'il traque arpente-t-il ses trottoirs d'un pas désespéré, en fouillant du regard une de ces maisons qui nous paraissent si insignifiantes, et qui lui seront à lui un asile ou une perdition. Elles défilent avec leur banalité énigmatique, sans rien révéler de leurs secrets. Tandis qu'un nouveau car, puis un chemin de fer élevé, puis un autre car encore, nous conduisent du côté de Bellevue Hospital. Une petite jetée de bois tout au près sert de point de départ aux bateaux passeurs, qui emportent une fois par jour vers les îles les condamnés et les parents des fous. Une voiture cellulaire arrive presque en même temps que nous, avec sa charge de forçats. Le peuple l'appelle du classique sobriquet de Black Maria. Ces voyageurs, qui ne reviendront, s'ils reviennent, qu'après des mois ou des années, descendent insouciamment. Ils s'engouffrent dans des chambres préparées à même les flancs du bateau, tandis que le pont s'encombre de pauvres gens, de femmes surtout, avec des paniers remplis de quelques provisions pour un malheureux, dont voilà tout le reste de joie. Le bateau s'ébranle. La manœuvre est faite par des hommes en uniforme brun. Plusieurs sont des nègres. Ils achèvent là de purger quelques longues condamnations. Nous commençons de causer avec le boss, pendant que cette étrange maison flottante avance sur l'eau crispée et qui clapote d'un clapotement sourd. Nous croisons d'autres bateaux passeurs, des remorqueurs, des navires de commerce. Un vent âcre souffle sous un ciel contracté par la froide tension d'un noir nuage de neige. Ce rebord de la ville développe une côte râpée, comme souillée, avec une lèpre de construction pauvre et une sinistre plage, où s'amasse l'immonde déchet des approches de capitale. Le boss, qui fait métier de transporter de la misère, de la folie et du crime dans ce paysage de masures et de détritus, est un vieillard jovial, qui mâche sa chic et darde ses jets de salive avec sérénité, en surveillant son équipe. Il nous ouvre les deux cabines où il a verrouillé les hôtes de la Black Maria. Celle des hommes contient environ 10 individus. Leur face avilie et neutre n'exprime même plus cette résolution des tramps, comme on appelle les cheminots d'ici, que l'on voit traîner sur les chaussées de New York et ramasser les bouts de cigares orgueilleusement. Les femmes sont d'aspect plus vivace et plus tragique. Les teintes bilieuses et congestionnées, ces verts et ces roses de la peau que donne l'alcool, leur font un masque de vice, sur lequel se détache l'éclat singulier de leurs regards. Toutes vieilles et ridées comme par devant, avec leurs traits tirés dans une chair flétrie, elles fument des cigarettes, appuyées contre le mur de cette prison qui bouge. Elles sont 7, 3 irlandaises, 2 allemandes, 1 négresse. La 7e seule est une vraie américaine. Des malheureux qui composent l'équipage du bord, ceux qui ne sont pas noirs sont pareillement tous des Européens. Un Français se trouve égaré parmi eux, que le boss nous indique. Il est de Picardie. Il est venu aux États-Unis après la guerre. Pourquoi ? Il ne le confesse pas. Non plus que le délit qui l'a conduit d'abord au pénitencier, puis sur ce bateau. Il était portier d'une bâtisse soi-disant meublée, laquelle était en réalité une maison de prostitution. Un détective est venu lui demander une chambre à l'heure, accompagné d'une fille. L'homme n'a pas reconnu le policier. Il a donné la chambre. Voilà pourquoi il est ici, avec ce dur visage que prennent si vite les étrangers établis en Amérique. Il nous raconte son arrivée, les premières années, sa solitude, le travail trop rude, il était couvreur, les gens trop implacables. Il doit dire vrai sur ces points. Cela se devine à l'amertume de sa parole. Rien ne survit en lui de la belle humeur nationale, pas même cette blague gouailleuse par laquelle le latin prend son inutile et dernière revanche quand il est vaincu, par une civilisation moins fine et plus forte. celui-ci est réellement trop vaincu. À constater sa misère dans son infamie, je regrette moins que le chiffre de l'immigration française sur cette terrible terre soit si bas. Les statistiques la cotent à 50 460 têtes depuis 10 ans. Il est venu en Amérique, par contre, durant la même période, 1 452 952 Allemands. Quelle formidable somme d'épreuves certaines, de crimes probables, représente un pareil afflux d'aventuriers. On en frémit quand on regarde d'un peu près quelques exemplaires authentiques pris sur le fait. Même singulier ramassis d'étrangers et d'étrangères entre les murs des deux asiles, celui des fous et celui des folles, que nous visitons. Le premier dans la plus éloignée des deux îles, Wards, le second dans la plus proche, Blackwells. Ce point excepté, il ressemble aux autres asiles de même genre, par toute contrée. Je verrai longtemps parmi les fous un Allemand venu de Königsberg, qui se croyait le vieil empereur Guillaume. La moustache en croc, il parlait et sacrait en se promenant avec des gestes de menace. Et parmi les folles, je n'oublierai pas une norvégienne aux 12 yeux couleur de mer qui jouait assise au piano un air très vague, indéfiniment recommencé. L'une et l'autre maison est tenue avec cette parfaite entente de l'aménagement matériel qui distingue l'Amérique et l'Angleterre. Le principe est ici, je l'avais déjà constaté en visitant les hôpitaux de Boston, d'assurer une autonomie à chaque établissement. La maison doit se suffire du grand au petit. Il faut qu'elle ait sa boulangerie pour fabriquer son pain, sa blanchisserie pour lessiver son linge et le repasser à la machine, son laboratoire pour composer ses propres remèdes. Avec une telle indépendance, l'initiative est nécessairement plus forte. S'il y a une expérience à tenter, une invention à essayer, plus n'est besoin de passer par la filière administrative et d'attendre l'ordre central. Tout se paie, et cette absence de contrôle, qui semble si admirable à des victimes du despotisme de l'État, comme nous, pourrait bien avoir ses funestes côtés. Nous en avons l'impression à quelques mots que nous dit triomphalement un des docteurs. Nous demandons la permission de voir les fous furieux. « Nous n'en avons pas ici, » répond-il. « Comment cela ? » insistons-nous. « Nous n'en avons pas, » répète-t-il. « Mais quand ceux qui ne sont pas furieux le deviennent, oh, nous les avons bientôt domptés. Pouvons-nous voir vos appareils ?» Nous n'avons pas d'appareil, répond le médecin avec fierté. Nous estimons que la contrainte physique est dégradante pour le patient. Nous préférons employer la contrainte chimique. The chemical restraint. They drug them to death. Il les drogue à mort, nous dit K. A-t-il raison? Toujours est-il qu'après cette phrase, nous croyons surprendre dans les prunelles des malades la stupeur abétie de l'opium ou de la morphine. Quoique le docteur nous affirme que ces deux substances sont proscrites du traitement. Dans cet hospice de fous règne une morne terreur. Au lieu que dans l'asile des folles, nous demeurons touchés par un air de douceur, presque de gaieté. Les salles et les corridors sont parés de fleurs en papier, d'arbres de Noël avec des fruits en étoffe, reliques de la fête du mois dernier. Des bananes en drap jaune y alternent, avec des oranges en peluche rouge. L'aimable génie du foyer, impérissable au cœur de la femme, cet instinct de maternité, qui persiste même dans la folie, a suggéré aux prisonnières une gracieuse et navrante fantaisie. Auprès de ces arbres de Noël, de grandes poupées, vêtues de robes tricotées, figurent les enfants pour qui elles ont rêvé de préparer ces cadeaux. Et pourtant, malgré le soin qu'elles ont pris d'orner ainsi leur cachot, elles sont bien des captives, et elles le sentent. Elles disent toutes, dans leurs pensées, le mot que nous prononce une d'elles, une négresse en cheveux blancs, qui passe une casaque épaisse à une autre. Cette dernière rit de plaisir, dans la chaleur de ce vêtement. « Comme elle est contente, » fait l'un de nous. « Que lui manque-t-il ? To be free, d'être libre, » répond la vieille Morricode. Et elle s'interrompt l'une de son agrafage charitable, l'autre de son rire, pour regarder par la fenêtre avec des nostalgies d'animaux en cage. Quel triste symbole de la liberté pourtant que cet horizon, que cette grande plaine de l'île, stérile et nue. Des arbres y poussent, si maigre, dans un terrain vague, verdâtre, d'un gazon usé, comme pelé. Des lignes grises y serpentent, qui sont des chemins abandonnés et défoncés. Des nuages bas traînent au ciel, et deux bâtisses érigent là-bas une architecture de caserne. L'une est le workhouse, la maison de charité. L'autre est le pénitencier. C'est par la visite de ce bagne que nous terminons notre journée. Monsieur Clark nous conduit maintenant. Il nous attendait devant la maison des folles. Comment le chien de police a-t-il su que nous étions là, justement là et pas ailleurs ? Nous ne nous étonnons pas trop de son flair professionnel, non plus que de la voiture découverte par lui. Comment encore? Dans cette plaine déserte? Nous n'avons pas roulé 10 minutes que nous commençons de voir les galériens qui travaillent à des terrassements. N'était leur costume blanc à large raie sombre, on les prendrait pour des ouvriers ordinaires, occupés à une besogne ordinaire. L'absorption dans le labeur est un trait si américain que ces forçats ne se distinguent point des ouvriers libres. Ils n'ont pas une physionomie plus triste que celle des mécaniciens sur leur locomotive ou des fondeurs dans leur usine. Les chiourmes se font plus fréquentes à mesure que le large bâtiment, sur la hauteur, se fait plus proche. Nous y voici. Cette fois, nous n'avons pas besoin de parlementer, comme à la porte du Bismarck. Notre guide se sent chez lui dans cette vaste caserne, dont il est un des plus habiles pourvoyeurs. Nous la parcourons à sa suite, intéressés surtout par la galerie des cellules, où nous retrouvons l'esprit pratique du pays. Leur forte grille de fer ouvre le long d'un corridor très large, qui permet la surveillance la plus aisée. Elles sont étroites, hautes et ménagées, de façon à permettre l'établissement dans le mur de 2 lits superposés, comme ceux des cabines dans les paquebots. Une pancarte au-dessus de l'entrée porte le nom des condamnés. J'en lis quelques-uns qui corroborent mes observations de ces derniers jours. La plupart ne sont pas d'ici. Les peines sont courtes, de 6 mois, d'un an, de 2 ans au maximum. En général, une amende s'y ajoute, de 200, de 500 $. Quand les condamnés n'ont pas d'argent, ils acquittent cette amende en travail, à raison d'$1 par journée. Le régime est humain, presque confortable, si l'on songe aux âpretés de misère de la Bowery. Réveillés à 5h30, les hommes prennent à 6h30 du pain et du café, de la viande à midi, du pain, de la soupe et du café à 5h30. À 6h, ils sont enfermés avec la permission de lire jusqu'à 10. Leur bibliothécaire est assis à une table, dans une des galeries, classant des fiches. Même sous la livrée du bagne, sa physionomie intelligente et sérieuse, ses mains fines, son application tranquille, attestent le gentleman. C'est un étranger encore, un Anglais, d'une excellente famille, coupable d'avoir soutenu une vie de club, de sport, de jeu et d'élégance, à coups de chèque, trop habilement fabriqués. On l'emploie à la besogne, dont il a paru le plus capable, et il en est de même pour les autres. Les ateliers sont peuplés ainsi d'ouvriers qui exécutent au rabais d'excellents ouvrages. Il y a dans les pavillons qui entourent cette bâtisse centrale une forge et une menuiserie, une cordonnerie et une serrurerie, ainsi de suite pour tous les corps de métier. Nous voyons défiler des tailleurs, des peintres, des relieurs, des horlogers qui besognent paisiblement. Il ne leur eût pas fallu vivre d'autre sorte, au temps de leur liberté, pour être heureux. On leur rendra cette liberté et pas un d'eux, nous assure M. Clark, ne gardera même au plus faible degré cette habitude du travail qu'il semble pourtant avoir contractée. La plupart sont des récidivistes. Ils ont pris, quitté, repris le chemin de l'atelier disciplinaire, sans que cet emploi actif de leurs heures durant cette servitude légale ait modifié la perversion de leur volonté. Quelle est donc la pièce si profondément faussée dans le rouage intérieur? Dans ce pays de toutes les entreprises, on a essayé, pas très loin d'ici, à Elmira, de créer un pénitencier réformateur, une espèce d'hôpital moral, pour atteindre justement cette pièce intime. Il ne paraît pas avoir donné beaucoup de résultats, et l'on en arrive à cette conclusion pessimiste que la meilleure solution de ces problèmes, comme de tout ce qui touche aux plaies sociales, est simplement une bonne et forte police. Cette idée est affreuse, elle semble pourtant conforme à la nature. Certains hommes naissent renards, loups et tigres, d'autres naissent chiens de garde. Cette vision d'une dualité foncière dans la race humaine, je l'avais eue en marchant dans les rues de New York derrière Bazarov et M. Clark. Je l'ai de nouveau en entendant ce dernier dire à haute voix « Tiens, voilà de mon gibier !» Et il nous désigne un tourneur, un garçon de 20 ans, râblé et vigoureux, avec une face ignoblement vicieuse. « Je l'ai arrêté de cette main, » insiste M. Clark, en ouvrant et refermant ses doigts velus. L'autre se penche sur son travail sans paraître avoir reconnu le policier. Il se retourne aussitôt que M. Clark a repris sa marche, et il l'accompagne d'un regard chargé de haine et de terreur, en échangeant quelques paroles avec un voisin. Il y a des rêves de coups, de couteaux donnés par derrière dans ce regard-là, mais le limier de M. Byrnes n'en a pas plus cure qu'un chien, qui a forcé une bête et qui en court une autre, la cure du regard furieux ou suppliant de la première. Des pages semblables, j'en pourrais extraire par centaines de mon journal de voyage. Celle-ci suffiront-elles à rendre concrète l'objection que mon ami de New York dirigeait contre l'optimisme, un peu officiel et voulu, des deux grands archevêques catholiques? En tout cas, elles suffisent à poser en pleine lumière le fait qui me paraît dominer toute l'histoire du mouvement social aux États-Unis, et qui en éclaire les apparentes contradictions. Ce fait, c'est la présence dans les classes d'en bas d'un contingent étranger, si considérable qu'à de certaines minutes l'Américain, né en Amérique de parents américains, apparaît comme une espèce d'aristocrate, trop fier pour servir des maîtres, quels qu'ils soient, trop intelligent pour s'assujettir aux petites besognes de détail, et comme naturellement destiné par son imagination, par sa persévérance, par sa volonté, à enrégimenter dans ses entreprises des cohues d'immigrants dont il emploie et paie brutalement la main-d'œuvre. Ce paradoxe exagère à peine la réalité. Il suffit pour s'en convaincre de regarder une table de statistiques, celle par exemple que les almanachs des journaux publient à chaque fin d'année. Ces chiffres incontestables donnent de ce contingent étranger un dosage plus significatif. Quand on sort de ces bas quartiers de New York où les Italiens, les Allemands, les Irlandais, les Polonais, les Juifs, les Chinois grouillent et se débattent dans une telle misère. En premier lieu, notez que cette formidable immigration est très récente. De 1789 à 1820, à peine si 250 000 colons débarquèrent d'Europe aux États-Unis. Cela ne faisait pas 9 000 hommes par an. Les nouveaux venus de cette période se perdaient, se noyaient bien vite dans le milieu américain, qui possède encore un remarquable pouvoir d'assimilation. Mais ce pouvoir a sa limite, et à travers les chiffres, on voit monter le flot qui peu à peu va la dépasser. À partir de 1820, c'est par année que le nombre des immigrants augmente jusqu'à se décupler, à se centupler presque. Il est de 23 322 en 1830, de 84 066 en 1840. Les événements de 1848 et ceux de 1849 ont pour conséquence de porter ce chiffre, pour l'année 1850, à 369 186. La guerre franco-allemande et la Commune ont un contre-coup plus violent encore sur cet envahissement du Nouveau Monde par les désespérés de l'Ancien. Dans l'année 1872, c'est par 404 806. Dans l'année 1873, c'est par 459 803 que se comptent les expatriés qui viennent ici chercher quoi ? Ils ne le savent pas eux-mêmes. Pour mesurer dans son ensemble cet étonnant phénomène d'une marée d'hommes, de nations plutôt, déferlant sur ce continent, les chiffres d'ensemble deviennent nécessaires. Dans les deux périodes décennales qui précédèrent celle où nous sommes, les États-Unis ont reçu d'Europe plus de 3 millions d'immigrants entre 1871 et 1880. Entre 1881 et 1890, plus de 5,5 millions. La population s'est donc augmentée d'un douzième dans ces 10 dernières années-là, par voie d'accession étrangère, et cette accession était uniquement, exclusivement composée d'ouvriers. Feuilletez maintenant un guide quelconque. Vous trouverez qu'à Chicago, sur 1 100 000 habitants environ, il y a 400 000 Allemands, 220 000 Irlandais, 90 000 Norvégiens, Danois ou Suédois, 50 000 Polonais, 50 000 Bohémiens. À Milwaukee, plus de la moitié de la population est composée d'Allemands. Ils sont 205 000. Il y a 150 000 Allemands à Saint-Louis. D'Anvers, qui comptait 35 000 habitants en 1880, en compte 150 000 aujourd'hui, soit 115 000 de plus, tous mineurs et tous étrangers. Saint-Paul et Minneapolis sont des villes scandinaves, et San Francisco est tout entière peuplée d'immigrants de toute provenance, y compris 25 000 Chinois. Devant cette évidence d'une invasion à l'intérieur, si violente et si récente, comment ne pas reconnaître que ces nouveaux venus ne sauraient, pour la majorité, être américains que de nom? Oui, les États-Unis se sont assimilés, les arrivants, avec une rapidité merveilleuse, quand le travail était surtout un travail rural, quand les grandes villes modernes n'existaient pas encore, avant 1840. Il n'y avait pas en Amérique une seule cité de 500 000 hommes. Quand surtout ces arrivants, dispersés aussitôt dans les fermes, ne formaient pas cette cohue compacte et presque solide, irrésistible et formidable, comme un élément. Ce pouvoir d'assimilation fut miraculeux encore, voici 30 ans, lorsque la guerre de sécession recréa et retrempa la conscience de l'âme américaine dans la communauté de la discipline et du danger. On en peut donner une preuve entre mille, bien petite mais remarquable. Avant cette guerre, des Allemands, sous le prétexte de réunions de gymnastique, avaient fondé un groupe de sociétés révolutionnaires, avec ce titre « Socialistischer Turnenbund ». Avant 1860, tout était radical, international et germanique. La guerre finie, elles se sont retrouvées naturellement nationales et conservatrices, pour tout résumer d'un mot, américaines. Mais depuis ces 30 dernières années, par quels moyens cette assimilation se serait-elle exercée sur ces masses serrées qui s'engouffrent hâtivement dans le labeur des grandes villes industrielles? Ces innombrables débarqués de la veille peuvent bien se teinter d'américanisme, ce qui signifie le plus souvent pour eux dépouiller le faible résidu de préjugés moraux qui leur restait de leur vie précédente. Ils apprennent même à baragouiner la langue, quoique le plus grand nombre continue de parler leur idiome natal. La preuve en est que sans cesse dans les tribunaux, les accusés et les témoins ne sont interrogés que par des interprètes. Mais que leurs idées changent, que leurs aspirations profondes se modifient, que leur âme enfin se métamorphose, ce serait folie de le supposer. Une fois sur le sol des États-Unis, ils demeurent les violents et les désespérés qu'ils étaient sur le bateau d'arrivée. D'autant plus qu'ils ont rencontré dans ce pays de leur dernière illusion la même nécessité du labeur quotidien que dans le vieux monde, et une concurrence plus âpre encore. Ils avaient débarqué avec toutes les dispositions morales qui font le révolutionnaire, et ils sont restés des révolutionnaires, prêts à suivre ceux d'entre eux qui ont transporté d'Europe ici leurs fiévreuses et farouches utopies, leur fureur d'agitation et leur procédé d'embrigadement. Ainsi s'explique le soudain développement dans cette libre démocratie du socialisme le plus incompatible avec tout le passé des États-Unis, avec toutes leurs tendances, avec toutes leurs constitutions, et il éclate en désordre aussi formidable que les grèves récentes de Chicago et de Californie, en aventure aussi grotesquement sinistre que la formation de l'armée de Coxey et sa marche sur Washington. Regardez-y de près. Ce n'est pas une guerre sociale que ces épisodes annoncent, c'est une guerre de race. Le véritable ouvrier américain, car il existe, est bien l'homme que dépeignaient Mgr Gibbons et Mgr Harryland, laborieux, sérieux, respectueux de la loi, fier par-dessus tout de la Constitution à laquelle il obéit avec orgueil et sans haine pour le capital. Mais à côté de lui grouille la foule immense des ouvriers de race étrangère, animés d'idées étrangères, ignorants de l'histoire d'un pays qui ne leur représente qu'une dernière partie à jouer contre le sort, ne comprenant pas ce pays, je dirais presque le haïssant de toute la déception qu'ils y ont subie. Voici quelques mois, j'entrevoyais, en longeant le Mississippi, une Amérique d'autrefois, sous l'Amérique d'aujourd'hui, et une première lutte d'extermination entre les peaux rouges et les anglo-saxons du dernier siècle. C'est de nouveau à une question de conflit entre des gens de sang ennemis qu'aboutit cette seconde poussée de civilisation. La Grande République, issue des premiers colons du Massachusetts, si intimement, si nécessairement anglo-saxonne dans sa langue et dans ses lois, sera-t-elle soulevée, brisée et détruite par ces éléments étrangers qu'elle ne semble plus absorber et transformée de même depuis ces dernières années? La lutte des classes n'est ici qu'une apparence. Il y a tout au fond un duel ethnique et on peut en suivre les péripéties dans l'histoire du Labour Movement, comme on dit ici, détail par détail, presque année par année.